La zone 89.1. C'est fou. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Le plan d'aujourd'hui, Assemblage requis. Alexandra Carignan nous mettra au courant avec sa chronique Le temps d'une culture. On cultivera notre milieu de corps avec Kinky Sexy Tam et on répondra aux questions qui vous brûlent l'entrejambe dans Raid avec tes questions. Assemblage requis commence maintenant. Un scripteur, s'il vous plaît. Ouais. Changer le script. Bon matin, bienvenue à Assemblage requis en ce lundi 24 septembre 2013. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Jean-Philippe Charbonneau. Oui. Et aujourd'hui, ben, l'émission change en cours de route. On a quelques absences, mais on a quelques matériaux qui vont venir combler la fondation de cette maison. De qualité. De qualité, oui, c'est ça. Ouais. On le dit, notre petite laine rose est très, très de qualité. Oui. Ça sert à quoi, ça, déjà? Isolé. Isolé, c'est ça? Good, fait qu'on va s'isoler. Ouais, isolons-nous. Tout seul dans notre studio. Oui, parlons-nous. Donc, la seule chroniqueuse qu'on a aujourd'hui, c'est Alexandra Carignan, qui va être là à 9h pour sa chronique Le temps d'une culture. Oui. Toujours bien intéressant de parler avec elle. On va sûrement parler d'improvisation un petit peu. Sûrement. Le camp de la Lime. Oui. Hein? La lutte qui a eu lieu le premier match hier. Oui, on va en parler. On est allé. Ouais, on a eu du fun. TVA était là, je veux dire. C'est fou. C'est était fou, là. Était là. Sinon, autour de ça, nos chroniques maison. Donc, je vais vous faire un petit kinky sexy time. Toujours passe-partout, pas mal, ça. C'est kinky. Dans le sens que tu te le passes partout. Oh! Ensuite, on va avoir Arrête avec tes questions. Oui. Tu vas me poser des questions qui, toi, te brûlent la langue. Oui, que je me peux plus. Tu te retiens à peine de me demander, mettons, exemple, pourquoi est-ce que ma jambe s'endort quand je me croise les jambes? Oui. Puis ça fait des fourmis. Ça fait des tues de fourmis. Ouais. Oui. Et puis, on aura aussi, attention, les paroles des autres, où je vous présente une chanson de l'univers Mathieu Plante. Oui. Mm-hmm. Et pas mal ça, finalement. Ben, ça fait quand même une pas pire émission, ça. C'est pas pire. Ça paraît pas qu'on a des manques. Non. En quelque part. Ça paraît pas du tout. Voilà. Donc voilà, bonne émission à vous, bonne émission à toi, Jean-Philippe. Et à toi aussi, Mathieu Plante. Mais merci beaucoup, c'est énormément sympathique de ta part. Oui. On commence en musique avec une chanson, une très jolie chanson, une chanson qui me fait penser à ma job. À ta job. À ma job. Est-ce que tu veux deviner, mettons, si j'avais télépathiquement une chanson qui fait penser à la job? Non, mais comme ça, moi, ça m'inspire plutôt une question. Okay. J'aurais la question en tête. OK. La question en tête, c'est pas une chronique sur le site de l'entête, ça? Oh, non, je sais pas. Mais mettons, moi je dis que ça fait au moins une année de travail que tu travailles sur cette émission-là. Est-ce que ça fait une année de travail que tu travailles sur cette blague-là? Non, ça fait peut-être même pas 5 secondes. Ça paraît. Ouais, je la retravaillerai une année. C'est bon, cool. Claque des mains pour l'instant.

qui glisse. Faites l'amour qui glisse. Faites l'amour qui glisse. Et ne la Le nom, avec Jus de Garçon. Et juste avant, c'était Call Me Poupée avec KY. Ouais, petit bloc Kinky Sexy Time qui se termine là-dessus. Deux chansons plutôt qu'une. Ben pourquoi pas? Des fois, t'as le droit à deux fois dans la même soirée. T'sais. Ah! Tu te recharges un petit peu entre les deux. Ouais, une petite, petite douche, petite sieste. T'as repompé un peu. Ouais. Faut que tu flexes. Oui, flex le muscle. Ouais. Au retour, la chronique, on fait d'autres choses. Il y a plein d'autres choses qui s'en viennent, dont Arrête avec tes questions. Je sais pas si ça va être là ou plus tard. On verra. Ben, on verra. Restez là, puis vous le verrez. Tu sais. Qui vivra, verra. Qui viendra, verra. Non. Ouais. Ah, oh, ouais, ah, oh, ouais. Ouais, ouais, ouais. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Un poil, ça a la langue. Qu'est-ce qu'il y a, toi? Moi, je suis en train de me tapocher le micro. Le micro, oui. Oui. Nos micros très phalliques. Oui. Mais bon, c'est comme ça en radio partout. Là. Ah, oui, c'est ça, hein? C'est un fait. C'est indéniable. On n'a pas choisi nos micros parce qu'ils étaient phalliques. Non. Pas du tout. Parce qu'il était de bonne qualité. C'est un bel addon. Ouais, c'est ça. Donc, dans quelques minutes, on fera, entre autres, les paroles des autres. Oui. On va écouter une chanson thème de quelqu'un autour de moi à la radio. Assez fou, tu sais. L'univers Mathieu Plante, comme on l'appelle. Oui. Mm-hmm. Mais avant ça, on s'en va entendre une pièce de panache. C'est pour varier un peu. À la place d'entendre Petit Pain, qui est l'extrait du palmarès. Oui, j'aimerais ça découvrir d'autres choses, Mathieu. Je te propose une pièce qui s'appelle Léa oui. dans les magazines. Oh! Ouh, hein? Ouh! Quelle sorte de magazine? Sérieux? Il affiche des micros dedans, je pense. Ça, regarde, j'ai fait le micro. D'habitude, ça me stresse d'aller entendre une chanson qu'on n'a pas entendue à l'avance, mais on sait que Panache, chacune de leurs chansons sont des hits assurés. C'est très bon. T'sais, Léa dans les magazines de Panache, comme on entend. Oui. Maintenant, Jean-Philippe. Oui, Mathieu Plante. Tu sais que j'anime Massif Fou depuis, mettons, plus ou moins un bout. Oui. Environ. Et on a tous le bout différent. Hein? Oui, c'est ça. Ben, tu sais, il y a des bouts plus longs que d'autres. Plus embouté cadeau. Plus d'embouteillage dans mon bout. Mais c'est ça, il y a tout plein de gens qui naviguent autour de moi, qui survolent un petit peu, genre le noyau. Je suis comme le soleil. Mm-hmm. C'est ça, c'est le soleil reste là, puis la terre bouge autour, c'est ça? Mm-hmm. Donc, bref, de l'univers Mathieu Plante, là, c'est moi, c'est Mathieu Plante. Puis il y a tout le temps des gens qui gravitent autour et on écoute leur chanson thème dans ce qu'on appelle les paroles des autres. Voici l'ancienne chanson thème de la chronique de Maxime Tanguay. J'ai-tu... c'est qui déjà ce band-là? J'en ai aucune indie. Oh. J'ai aucune indie. C'est un jeu de mots. J'en ai aucune indie. C'est son ancienne chronique. Elle est bonne. Ouais, mais ça... C'était la chronique Les paroles des autres, où on a entendu, encore une fois, une chanson thème ou une musique thème. Dans ce cas-ci, c'était une chanson thème, il y avait des paroles. Hein? Oui. C'était la chronique de Maxime Tanguay l'année passée qui s'appelait « C'est qui déjà ce band-là? J'en ai aucune indie. » Cette année, il a changé de chronique pour faire « J'étude temps pour une chronique. » J'étude. Un autre jeu de mots. Mais dans le temps, c'était plus une chronique sur un groupe qu'il appréciait, donc un groupe indie. Cette année, c'est de la musique pour étudier. Ouais. Donc, il varie ses styles et j'aime ça comme ça. Par contre, ben, c'est ça. Par le fait même, quand on a changé de style de chronique, on a dû changer son intro. Oui, parce que c'était vraiment une bonne chanson. Elle était cœurante, hein? Oui. Mais un petit peu trop enjouée pour la musique pour étudier. Oui, c'est comme ça. Mais écoute, peut-être qu'il va faire un flashback. Là. Il va peut-être revenir sur des vieilles habitudes. Peut-être. Et ceux qui ont manqué les chroniques J'en ai aucune indie, ah, tu me vois venir avec la plug. Là. Oui. Écoutez les balado-diffusions de l'émission Aucun outil requis. C'était cet été et j'ai mis un listing de tous les épisodes sur le blog assemblagerequis.com. Ça, c'est le fun. Je suis fin à assemblagerequis.com, c'est le site de l'émission. Tout est là. Mais pour en revenir à la chronique J'en ai aucune indie avec Maxime Tanguay, la chanson s'appelle Gobbledygook par la formation Sigur Rós. En fait, c'est une personne, je crois, Sigur Rós. S-I-G-U-R-R-O-S. Gobbledygook est le nom de la pièce et l'album s'appelle. Et là, je vais butchery, comme on dit le nom. Meosuo i erum vio spinum endelaust. Oui. Ou quelque chose du genre. En latinus. Voilà. C'est donc ça qu'on a entendu dans la chronique Les paroles des autres et on fait ça pas mal à chaque semaine ici à Assemblage Requis. Mais j'aime ça. Oh. Ça tourne autour de moi, donc moi j'aime ça. Toi, oui. ça tourne autour de bonne musique, fait que t'aimes ça aussi. Ouais, mais ça tourne indirectement autour de moi aussi. Oui, ben oui, ben oui. Parce que ça tourne autour de toi, ça tourne à côté de moi. C'est comme si moi je suis la lune. C'est ça. Toi le soleil. Oui. Si on veut. Oui. Environ. C'est moi qui fais les marées. Oui. Mais c'est toi qui me réchauffe. Pas tout de même en mal. Ok, je pense que c'est. Ok. Oui. Tu me fais marrer. Ok. Ok. Pouf. Donc, les paroles des autres. Maintenant, on continue en musique avec la formation de Cat Empire. Là, vous allez me dire, arrêtez de jouer la même chanson tout le temps. Oui, mais écoute, j'ai pas pu m'en empêcher. Je l'ai eu, je pense, dans la tête toute la journée hier. J'ai envie de l'écouter, et de l'écouter. Je t'ai-tu dit que j'avais envie d'écouter ce CD-là? J'ai une forte impression. Bon, j'ai déjà vu. Mais tu veux écouter une autre pièce que Brighter Than Gold? Oui, c'est ça. Donc, celle qui est dans le palmarès, dans le fond, oui. Qui est top 1. Exact. Top 1 dans le palmarès anglophone cette semaine. Ben, écoute, moi, je changerais pour quelque chose d'autre. Découvrir le CD, je sais pas. Est-ce que tu veux me proposer un titre ou est-ce qu'on y va avec des chiffres? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Moi, je dis qu'on y va avec un chiffre, mais il faut que tu me dises le chiffre que je dois skipper. Puis entre quoi et quoi? Tu as droit entre 1 et 12, sauf la 1. Sauf la 1? Écoute, est-ce qu'on y va pour les deux extrêmes avec la dernière voix? Oh oui! On va être de même, nous autres. On écoute All Night Loud de Cat Empire tout de suite à l'Assemblage Requis sur C'est Fou. 89.1 FM. La radio campus de Trois-Rivières. Ever since I was 16, I wish that spring would come to me and I wish that I could dance upon the aisles. Sweat rivers on a stage of steam, I let my thoughts begin a dream. I held my breath and ran into the wild. And each night a horizon grew and all of us saw just a few till morning's gold would make it disappear. Yet somewhere in my treasured chest is not forgot what must forget, but that's a feeling for another year. And movement has a way like words, you're there before the rhyme is heard, and all that one can do is shape the rhyme. The miles of a forgotten dream are yours, my love, it's where we've been, and maybe one day soon we will arrive. Playing all night loud, playing all night loud, sing it all night with me. All night loud. And we went on a whirlwind trip. The nights unwound, the records flipped, and stillness came like chaos in the lights. And voices like devotion flew across the sea from me to you in music that I still cannot describe. And there are ugly times, it's true, some from me and some from you, and devils have a way of digging down. Friend is not a friend for life unless your life is worth the strife. So hold on, we'll be alright. Playing all night loud, playing all night loud, sing it all night with me. All night loud. There's a speech by Henry V. I'll tell a version that relates to us, not war. He who sheds his sweat with me will be my friend eternally, from this day to the ending of the world. No matter if we're young or old, or in the sun or in the cold, I hope I can remember your bright eyes. 'Cause I know you and you know me, at least somehow mysteriously. So thank you, my dear friends, and that's good night. I'm much obliged, I'm much obliged. So thank you, my dear friends, and that's good night. I'm much obliged, I'm much obliged. So thank you, my dear friends, and that's good night. C'était pas aussi enjoué que Bride of Dango. Non, non. Mais c'était bon, à mon avis. Écoute, peut-être qu'on s'est trompé en disant la dernière chanson. Non. T'sais, c'est peut-être non. La... On se trompe pas là-dedans. Non. OK. Non, c'était très bon. On s'est pas trompé. Mais c'est pas mauvais. J'imagine que quand on écoute le CD au complet, c'est la toune qui finit le CD. Faut clore ça de façon ouais, calme. C'est normal. Oui. Peut-être que demain, on pourrait se faire un blitz. Okay. Demain, on en écoute une autre. On les écoute toutes. Ouais. Ouais. Ouais, en direct. Non. ben voilà, tantôt on va faire Arrête avec tes questions. Ça s'en vient. Oui. À moins que tu aies envie de faire ça là. Ah, on peut bien. On peut ben. Commencer. Le... OK. Okay. Ou pas, non. Ou pas, peut-être pas. Ça va un petit peu mal dans ce temps-là. Ouais, non. Non, je vois l'heure, là, puis non, ça marchera pas. On va encore un petit peu prendre notre temps, faire les paresseux un peu et rien dire de bien intéressant. Sauf que tantôt, on va parler de choses qu'on a aimées dans Tu manges mon cœur. Ah oui. Fait que deux chroniques de nous là, qui s'en viennent dans les prochaines minutes, puis ça va être long, ça, là. Fait que ça va remplir du temps. Oui. Puis à 9h, on va avoir. Alexandra Carine. Et ça connaît le temps d'une culture. Mais pour l'instant, je te propose aussi, si tu veux, encore une fois, faire un test. C'est vraiment comme ça te tente. Aujourd'hui, on y va free for all parce qu'on a le temps, puis on est des hommes libres, puis arrêtez de nous dire quoi faire. Hey, pas ma mère, hein? Hey. Oh, Colin, je vois du Liladissa venir de loin. J'aime ça comment son rack est super loin de son micro, fait qu'il est en train de chercher ça pendant qu'on est en rond. J'aime ça. Ça fait différent. Ben oui. C'est la bonne radio, je trouve. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. En fait, c'est que je suis vraiment indécis par rapport. Il y a des semaines comme ça où je sais pas qu'est-ce que j'ai envie d'écouter. OK. Mais qu'est-ce que j'écoute, j'aime ça. OK. Fait qu'à date, dans le fond, t'as eu cette semaine, c'est la semaine où tu sais pas quoi t'as envie d'écouter. Ouais. La semaine passée, c'était la semaine des. Des histoires pas de punch. Des histoires pas de punch, ouais. Ouais. Après ça, t'as eu la semaine où t'étais jamais là. Oui, c'est ça. La semaine où j'existais pas. La semaine où je n'existais pas. Et la première semaine était. 3 jours, enfin, c'était possible. Ça oui, c'est ça. Oui, ça a bien quoi que t'en as raté une dernière semaine aussi. C'est vrai. C'est vrai. Donc, est-ce qu'on s'en va entendre l'extrait ou on varie? Je te laisse décider. J'ai pas envie de décider. OK, je connais pas beaucoup. C'est l'album Ruelle Palace de Liladissa qu'on s'en va entendre. Et je vois là, sur le CD une pièce qui s'appelle Velours. Velours. Ah, ben écoute, ça doit être doux. Ça doit. Lave-la. Sur C'est fou. De ton assemblage requis au 89.5. Oh, C'est avec des petites mains. Lila dit ça avec velours. Merci pour l'image, en fait. Oui. Tes petites mains. Petites mains. Ouais. Au retour, arrête avec tes questions à Assemblage Rookie. Assemblage Rookie pour toi aujourd'hui. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage Rookie. Toujours en direct et toujours à Assemblage Rookie en ce mardi 24 septembre 2013. Il est Jean-Philippe Chabonneau. Il est Mathieu Plante. Oh oui. Il est 8h30 et 25 secondes environ. Oui. C'était pas votre montre par rapport à ça parce qu'elle prend du retard. Oh non. Oh non. C'est pas l'horloge officielle. Mon matin est gâché. Donc, dans cette deuxième portion d'émission, cette deuxième heure qui commence à 8h30, on a plein de bonnes choses. Plus tard, on va faire Tu manges mon cœur. On va parler de services de livraison de produits. Ah ah. Ça a l'air vague comme ça, mais c'est vraiment le fun. Vraiment le fun. On va aussi faire la chronique Le temps d'une culture avec Alexandre Carignan. Oui. Mm-hmm. Mais on va commencer avec Arrête avec tes questions. Oui. Parce que j'ai des choses qui me brûlent les lèvres. T'as des choses qui te brûlent les lèvres? Oui, c'est pas un peu sauvage. Non, c'est ça. J'étais pas sûr. Ben tiens, arrête là, avec tes questions. Ben oui. Ben oui. Appelle-moi pas ton chéri. C'est Arrête avec tes questions, la chronique de questions-réponses, vous l'aurez deviné. Oui, donc moi j'ai des questions qui me palpitent. Qui font des palpitations. Un peu, ça c'est pas trop de café peut-être qui te font ça? Ça se peut, ça se peut. Ça puis tes brûlements d'estomac. Et tes pustules. Et tes pustules. commençons par le commencement, Mathieu. Je t'ai déjà conté, je pense, la fois où j'étais dans mon lit. Oui, tu me rappelles que tous les matins, tu viens me conter une affaire qui s'est passée dans ton lit. Oui, c'est vrai. Je trouve ça louche un peu comme relation. Ben écoute, on est une émission du matin. Puis on est proche, ça. Oui, c'est ça, on est proche. À un mètre dans le studio, parce que le studio est petit. Ça, c'est... Oui. c'est ça, j'étais assis en indien, sur mon laptop. En train raciste. De... Oui, en train de faire, ben ouais, je sais pas là, une recherche ou peu importe. Je gossais sur Internet. Et puis quand je suis revenu pour me lever, je me suis affaissé. Puisque j'avais trop de fourmis okay. dans les jambes, je sentais plus mes jambes. Qu'est-ce qui fait qu'on a des fourmis? Que nos membres ont des fourmis? C'est une excellente question. Fourmis, punaises ou n'importe quoi que vous ressentez dans vos membres. Oui. Ben oui. Mais c'est qu'on a des nerfs qui passent un petit peu partout dans nos corps, qui agissent comme une ligne de communication, d'accord, entre le cerveau et les autres parties du corps. Ça transmet des commandes du cerveau. Ça envoie l'information des sens jusqu'au centre de processing qu'est le cerveau. Et quand un membre qui s'endort, c'est que tes nerfs ont eu une pression prolongée qui a coupé le lien de communication entre le membre et le cerveau. Et en passant, la sensation de picotement s'appelle parasthésia. OK. Donc, parasthésie, j'imagine en français, retenez ça. La pression qui est mise sur le chemin du nerf, dans le fond, et sur les vaisseaux sanguins, les nerfs, dans le fond, ne peuvent plus transmettre le signal correctement et les vaisseaux sanguins ne peuvent pas amener l'oxygène et d'autres nutriments au nerf. La coupure, dans le fond, interfère avec le flot, comme on pourrait dire, le flot d'informations entre les membres et le cerveau. On nous dit que certaines cellules vont arrêter complètement d'envoyer des signaux, alors que d'autres vont seulement envoyer quelques pulsions, mais de façon erratique. Je comprends. Un petit peu au hasard. Le problème est empiré, si on veut, par le fait que nos nerfs sont quand même assez spécialisés et différents types de nerfs et de récepteurs sensoriels reçoivent différents stimulus et transmettent différentes informations. Quand les différents signaux, deviennent mêlés, sont pas transmis normalement, le cerveau va commencer à mal les interpréter et va commencer à générer plusieurs sensations qu'il n'est pas supposé faire dans ce cas-là. Par exemple, la chaleur, tu sentiras plus tes jambes, tu vas te sentir mou ou faible et le picotement dont on a parlé. Oui. Souvent, on va essayer de réveiller nos jambes, nos bras en changeant de position. Donc, le sang va recommencer à faire un flow. Donc, on va commencer à naviguer un petit peu à travers tes veines jusqu'aux membres. Et ça va donner un petit boost. Donc, ça va être encore pire. Ton picotement va être encore pire des fois quand tu commences à faire, quand tu commences à agiter les bras. Aha. Ça devient pire à cause de ça. Et la sensation peut être gossante pendant quelques minutes. Mais c'est pour nous rappeler de soulager, de relâcher la pression sur le membre avant qu'il y ait un dommage plus sérieux qui arrive. Parce que si tu restes comme ça trop longtemps, tu pourrais endommager tes nerfs. Oh! Ouais. Donc, faites pas ça. Ouais, ça me tape ses nerfs. Eh oui! Ah! Eh oui! Ah ouais. Fait que c'est ça pour ça. Oh, ben écoute, ça répond bien à ma question. J'en ai une autre, puisque j'ai des amis qui partent en voyage. Puis ils vont partir, ils vont passer proche du triangle des Bermudes. Non. Ah, je te jure. Dangereux. Puis là, je veux savoir pourquoi encore on a encore peur de ça. Parce du triangle des Bermudes. On devrait pas avoir devrait-on? Peur. Devrait-on? Ben non, c'est ça, on devrait pas. On devrait pas. Parce que peu importe ce que vous avez entendu, c'est que des mythes et des rumeurs. Le nombre d'accidents dans le triangle des Bermudes, qui est entre Miami, Puerto Rico et Bermuda, hein? Donc, c'est ni alarmant ni disproportionné par rapport à d'autres parties de l'océan. Si tu as besoin de plus d'indications pour savoir justement quelle menace il y a à l'intérieur de ce triangle des Bermudes-là, c'est que les gens qui s'occupent de faire les assurances marines, parce qu'il y a des assurances pour les bateaux, ça coûte pas plus cher chez Lloyd's of London de passer par le triangle des Bermudes que de ne pas passer par là. Donc, s'il y avait quelque chose vraiment, je pense qu'il le saurait. Exactement. Parce que c'est une compagnie d'assurance, puis ils savent tout. Ils veulent faire de l'argent. Donc, les personnes superstitieuses évitent encore le triangle des Bermudes, mais plusieurs bateaux commerciaux et plusieurs avions passent par là à tous les jours de nos jours sans disparaître. Voilà. Donc, ils n'ont pas à s'inquiéter. Du tout. Super. Écoute, je te parle souvent de mes matins. Oui, c'est un petit peu perturbant. Hein, oui, ben écoute, ce matin, j'ai eu une idée en prenant ma douche. C'était quoi? Ben, je me suis dit, merde, là, tu je savais pas. Que je ferais ça, c'est exactement pour ça que je faisais ça. Oui, ben en fait, je me suis dit que aujourd'hui, je prendrais un café dans une tasse dans le studio. OK, pour payer moins cher, pas de gobelet à chasse. Oui, j'ai eu l'illumination. Un vrai génie. Oui, un vrai génie. T'as sauvé 25 cents? Ben, je sauve 25 cents en utilisant une tasse verte. Ben oui, c'est ça, réutilisable en céramique. Oui, et puis si je fais un refill, j'économise un autre 25 cents. Hey, ça veut dire que tu pourrais économiser, mettons, 50 cents par jour. Ça veut dire plus de 2$ par semaine, 2,50$. Puis là, écoute, je fais des calculs rapides comme ça. Ça fait beaucoup d'argent. Oui, plus ou moins beaucoup. Mais c'est ça, pourquoi à chaque fois que j'ai des bonnes idées, c'est tout le temps quand je suis dans la douche. Oui, oui. En effet, oui, j'approuve. Et non seulement dans la douche, mais aussi peut-être quand t'es aux toilettes. Oui, c'est ça. Des trucs comme ça. Donc, des endroits comme ça qui sont plus relax et où t'as des bonnes idées, mais c'est normal, ces moments-là, évidemment, ben, ça n'a rien à voir avec le shampoing, ça n'a rien à voir avec le savon. Mais c'est que la douche crée la condition parfaite pour avoir une idée. Pourquoi? Mais parce que les recherches nous apprennent que tu as plus de chances d'avoir une épiphanie créative quand tu fais quelque chose de monotone, comme pêcher, faire d'exercice, prendre ta douche. C'est des routines qui ne demandent pas beaucoup de réflexion. Donc, tu es un petit peu sur l'autopilote quand tu le fais. Et ça libère ton esprit pour travailler sur quelque chose d'autre. Mm-hmm. C'est que ça relaxe le cortex préfrontal. Hein, le cortex préfrontal frontal, qui est le centre des contrôles pour ton cerveau. C'est là que les décisions sont prises, que les buts sont fixés, que ton comportement est géré aussi. Et dans le fond, ce que ça dit, c'est que ça allume le mode qui s'appelle Default Mode Network, le DMN, en libérant les connexions, les chemins, des régions de ton cerveau. Donc, avec ton cortex qui est plus relaxé, ton DMN, ton Default Mode Network qui est activé, tu peux te faire de nouvelles connexions créatrices dans ton cerveau. Bref, des idées que tu n'aurais pas pu faire parce que ton cerveau était occupé à faire déjà des connexions. Est-ce que tu me suis un petit peu? Oui, tout à fait. Donc, c'est pour ça que les idées que tu as dans la douche sont différentes des idées que tu as au travail. Parce qu'au travail, tu es un petit peu plus fermé d'esprit. Penser très, très fort à un problème va désactiver ton default mode network. Mode network. Et puis là, il y a plein d'autres détails à dire là-dessus. Ça te fait focusser sur quelque chose et ça t'empêche d'être plus créatif. Dans le fond. On dit que les gens qui sont très, très créatifs ont un trait en commun, c'est qu'ils sont facilement distraits. Et c'est la beauté d'une douche chaude, c'est que ça te distrait et ça te fait défocusser, ce qui laisse ton cerveau à la place passer à autre chose. Incroyable. C'est le fun, hein? J'aime ça. Oui. Je trouve ça cool. Oui, fait que c'est pas épeurant, c'est mes bonnes idées viennent toujours de la douche. Non, c'est ça. Ça dépend ce que tu fais dans la douche. Oui, c'est vrai. Évidemment. Attends un peu, il y avait quelque chose d'autre aussi. Il y a le fait que tu es dans un espace plus renfermé, donc tu te sens confortable là. Et puis aussi, tiens, quand tu es relaxé, ton cerveau relâche de la dopamine. Donc, c'est ça, de la dopamine, ce qui va augmenter ta créativité. Et aussi, on nous rappelle à la fin de l'article que l'heure à laquelle tu prends ta douche est aussi importante. La plupart des gens prennent leur douche le matin ou le soir quand on est le plus fatigué. Et selon le Journal of Thinking and Reasoning, c'est notre sommet créatif qui est à ces heures-là, tôt le matin et tard le soir. C'est que le fait que tu es comme un petit peu dans la brume le matin, ça va affaiblir le fait que ton cerveau se censure, donc ça va empêcher ton cerveau de se censurer, ce qui va, dans le fond, empêcher... Parce que ton cerveau, normalement, s'empêcherait d'avoir des idées distrayantes, dans le fond. Mm-hmm. Et donc, ça empêche. Bref, c'est d'autres détails pas importants, mais... Mais quand même. Ouais. Donc, matin et soir, voilà. on est pépé. Exact. Après ça, une autre question comme ça en rafale, Mathieu, puisque moi, je suis un grand buveur d'eau. OK. C'est une bonne chose. Oui, en plus du café. C'est d'où que ça vient, le fameux mythe du 8 verres d'eau? Parce que déjà, toi, tu me lances là, en me disant « c'est un mythe », c'est ça? Oui. Tu dis « c'est un mythe », ben t'as raison. Ben, je dis mythe, mais en fait, cette croyance, j'aurais dû dire croyance. T'étais correct avec mythe, parce que c'est vraiment un mythe. C'est un mythe. Ouais, ça, c'est pas volé ton punch. Non, c'est correct. Donc, on nous dit, évidemment, tout le monde le sait, on a déjà entendu parler de ça, qu'il fallait boire 8 verres d'eau par jour. C'est environ 2 litres. Ça a l'air d'être beaucoup de liquide, considérant que l'estomac moyen de l'humain est environ, lorsqu'il est à son état naturel, est environ de la grosseur d'un poing. On avait déjà entendu parler de ça dans cet effet aussi. Mais les chercheurs dans le domaine de la santé disent que c'est justement un mythe. Et en fait, plusieurs groupes derrière l'idée de boire 8 verres d'eau par jour, ben, sont commandités par les compagnies derrière les bouteilles d'eau. Aha. Tu sais, en fait, ça nous disait exactement c'était quelle compagnie tantôt dans l'article. Mais bref, peu importe, c'est pas bien important. Si on regarde les études, c'est que ça montre que le corps est très, très capable, en fait, de vivre sans 8 verres d'eau. On dit que c'est très, très, très improbable qu'on va mourir entre les mains du monstre de la déshydratation. Et aussi, il faut se rappeler que le café et le thé comptent dans l'eau qu'on prend. C'est ce que l'article nous dit. Il y a du liquide. Il y a du liquide, c'est fait avec de l'eau, donc ça compte. Et même quelque chose comme une patate au four est composée de 75% d'eau, et ça aussi, ça compte. Donc, l'idée de boire 8 verres d'eau, c'est là que le bout que je cherchais, a été amené par Frederick J. Stare, qui était un nutritionniste d'influence au 20e siècle. Il était aussi le founding chairman du Department of Nutrition à l'université, à la Harvard School of Public Health. Il est décédé en 2002 à l'âge de 91 ans. Et c'était un des premiers à recommander que les humains boivent entre 6 et 12 onces d'eau par jour. C'est ça? Non, c'est 6 verres de 12 onces d'eau par jour. Faut lire correctement ici, c'est difficile. Depuis ce temps-là, par contre, les chercheurs ont commencé à voir que 8 verres d'eau par jour, c'est un surestimé, si on veut, surtout par rapport à notre diète de nos jours. L'eau, par contre, est toujours bonne pour nous. Les études nous apprennent que l'hydratation adéquate va non seulement améliorer nos capacités cognitives, donc le cerveau, mais ça va aussi empêcher les maladies du foie. Kidney, c'est bien foie. C'est ça. Sinon, langue, c'est poumon. Je me mêle tout le temps entre les deux. Mm-hmm. Par rapport à combien on devrait boire maintenant, on dit qu'il n'y a pas vraiment de règles évidentes. Donc, il faut, évidemment, comme je disais, inclure le café, le thé et tout ça. Et si on compte vraiment tout ce qu'on boit et qu'on mange dans la journée, on va dépasser déjà nos 2 litres d'eau d'habitude en temps normal. OK. Un sondage en 1995 en Australie nous apprend que la diète moyenne des adultes fournit beaucoup plus de liquide que ce qu'on devrait prendre. Les femmes boivent environ 2,8 litres par jour et les hommes 3,4. Et ça, c'est sans compter et vraiment se forcer à boire comme, je comprends, comme on fait déjà. On dit que la règle devrait être « commence à boire quand tu commences à avoir soif ». Donc, attends pas d'avoir vraiment soif, genre j'ai la bouche sèche. C'est aussi que tu ressens la soif. Un petit verre d'eau. Un petit verre d'eau et c'est assez. Ouais. Voilà. Voilà. Ça répond bien à ma question. Une dernière petite vite comme ça. Parce que, bon, écoute, en fin de semaine, c'était la fin de semaine pour faire l'épicerie. Hein? Moi, j'ai fait oui. Les points d'épicerie. Nous, c'est lundi, par contre. Je sais pas. Ouais, oh, ouais, à chaque fois, tu sais, à chaque fois que tu achètes un sac de chips, ouais. Maudit que t'as hâte de l'ouvrir. Tout le monde se demande ça. Oui, tu l'ouvres, puis là, il est à moitié vide. T'sais. Tout le monde se dit, voyons. Pourquoi c'est comme ça? Tu me fucking niaises. Oui, tu sais, le format familial, finalement, il pourrait être aussi gros que le format régulier, mais plein. T'as 2-3 bouchées dans les petits sacs et 2-3 dizaines de bouchées dans les gros. Ouais. Tout. Ben c'est ça, c'est que l'espace est là pour une raison. Et là, tout le monde se doute un petit peu de ce que c'est, même que je pense que tout le monde, littéralement, c'est la réponse à ça, c'est qu'il y a de l'air. Oui. Pas que je suis en train de te dire que ta question est conne. Oui. Je suis en train de te dire qu'il y a des détails de plus à savoir. Oui, ben c'est ça, parce que c'est pas juste une question de marketing. Je peux pas croire que c'est juste pour faire croire que le sac est gros. Ben non. Donc, la raison, c'est le shipping. Pour commencer, on s'en doute un petit peu, c'est le fait que quand on transporte en camion des sacs de chips qui sont dans des boîtes, empilés un par-dessus l'autre, évidemment, les produits, s'il n'y a pas d'air, ça va compresser les chips et ça va évidemment faire une grosse garnotte de chips et on veut pas ça. Donc, ils rajoutent de l'air pour empêcher l'écroulement des chips. Mais c'est pas la seule chose, hein, à savoir, c'est que les sacs ne sont pas remplis seulement d'air ordinaire. Ils sont remplis de nitrogène. Ah-ha. Oh! L'oxygène qui peut... évidemment, l'oxygène, c'est pas la nitrogène, mais l'oxygène, ça pourrait faire que les patates deviendraient pourries. Elle pourrirait. Et l'huile tournerait. Donc, dans le fond, ça deviendrait mauvais. Et l'humidité qu'on trouve dans l'air ambiante rend les chips molles. Oui. Donc, à la place, les sacs sont remplis de nitrogène, de gaz de nitrogène, pour aider le tout à rester au frais. Il y a un panel de testeurs, testeurs et de tasters, de goûteurs, si on veut, a confirmé en 1994 une certaine étude qui est, dans le fond, que ça goûte rien et que les chips restent fraîches. La nitrogène, donc, va absolument pas nuire à personne et environ 78% de l'air qu'on respire est de toute façon composé de nitrogène. Donc, voilà. Le Federal Fair Packaging and Labeling Act est passé en 1966 et ça force les manufacturiers de chips à clairement indiquer le poids net du produit pour empêcher les clients de penser, dans le fond, qu'ils se font avoir en ayant moins de produits qu'ils ont. Dans le fond, le poids des chips est écrit sur le sac et c'est vraiment littéralement le poids que tu vas avoir quand tu vas les... De chips. Ouais, exactement. Mais évidemment, ces règles-là sont pas super, super enforcées. Est-ce qu'on peut dire ça? Enforcées? C'est strict? Strict. Donc, disons que c'est un peu dans les airs, mais je pense que tous les sacs de chips que j'ai vus avaient leur poids net dessus. Ouais, ben, je pense que ça doit être assez contrôlé quand même. Au Canada, c'est peut-être plus contrôlé qu'ailleurs parce que l'article disait que c'était rarement contrôlé. Ah ouais? Bon. Peu importe, mais maintenant on sait que c'est de la nitrogène et que c'est fait pour garder les chips fraîches et aussi pour empêcher les chips de s'écrouler dans les camions. Ce qui fait bien de sens. Toi, est-ce que t'es du genre à ouvrir ton sac de chips et prendre une sniff? Oui, mais. Mais est-ce que tu fais comme dans ma chronique de trucs et astuces, les instructions d'assemblage, et ouvrir le sac de chips par en dessous? Non, je le fais pas. Non, moi non plus. Alors, on dirait que c'est trop... C'est trop commun, l'ouvrir par en haut. Exactement, c'est que tu veux, on dirait, lire le texte. Tu veux que ton sac de chips ait l'air des gens qui mangent des chips à TV. Oui, exactement. Alors, mais c'est un peu comme les bananes. OK, oui. T'es supposé l'ouvrir à l'envers. Oui, c'est ça. T'es supposé de l'ouvrir par la queue d'en bas. Ben, c'est le vrai à l'endroit, dans le fond. Ouais, nous autres, on l'ouvre à l'envers. Ouais, les singes l'ouvrent tout de l'autre bord. Voilà. Mais j'y prends pas goût. C'est plus facile, oui, mais j'y prends pas goût. Mm-hmm. On demandera demain à l'émission à Steph, elle qui mange beaucoup de bananes. À tous les jours, elle mange sa banane. Elle fait bien. C'est rempli de potassium. Oui, ça empêche les crampes. Oh, tu vois, je savais pas. Good. Ouais. On apprend des choses. Voilà pour arrêter avec tes questions. Caroline, merci pour tes questions. Ben écoute, ça fait plaisir, Mathieu. Merci pour ces vraiment très bonnes réponses. En Et fait. Merci à Internet de m'avoir fourni les réponses aussi. Ben écoute, c'est comme ça. Je fais mes recherches, mais tu sais. Ouais. Je les inventerai pas. Pas un médecin, puis j'en joue pas un à la radio. Hein? Donc voilà pour ça. Tantôt, on recevra Alexandra Carignan. On a aussi Tu manges mon cœur dans les prochaines minutes. Oui. Mais avant ça, The Danks. Oui, j'ai envie d'écouter The Danks. Est-ce que tu avais envie de varier encore Oh, on fait ça? Hey, aujourd'hui, c'est la journée où on s'essaye. T'sais. On s'essaye. On s'essaye. Je te dirais, donne-moi un chiffre entre 1 et 11, sauf la 2. Ah, ben ça tombe bien, je voulais la 4. Ben tiens, voici Experimental Fiction à Assemblage Ricky. Sur C'est fou. The Dengs avec Experimental Fiction. Oui, une petite variante. Aujourd'hui, on joue des pièces qui ne sont pas sur le palmarès. Oui, mais ça fait du bien. Ben voilà. Ça fait du bien. Ben pas qu'ils sont pas bonnes, ils sont excellentes. Moi, j'adore, oui. J'adore ce palmarès. Oui, en effet, il est vraiment... Surtout le top 1 anglophone. Qui est The Cat Empire. Brighter Than Gold, Cat Empire. Oui, en passant, vas-y. Non, mais c'est ça. Je crois que je vais l'écouter toute la journée. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui à se couper? Ouais, je sais pas. On n'arrête pas de se couper. Il y a plein de couteaux en studio. Maudit, c'est parti. Vas-y, Mathieu. D'accord. Non, j'allais dire que ceux qui s'ennuient d'entendre les pièces du palmarès, écoutez donc les palmarès C'est fou. Édition quotidienne, lundi, mardi, mercredi, entre 17 et 18 heures. Oui. Et sinon, l'édition régulière au complet, le jeudi. En reprise le dimanche. Oui. Ça fait beaucoup de cases horaires. Écoutez une fois de temps en temps, ça va jouer. Ben oui. Voilà. Et nous, avant de passer à la prochaine chronique, mais en fait, on passe à la prochaine chronique. Pourquoi j'ai dit avant de passer à la prochaine chronique? Avant de passer à la prochaine chroniqueuse! Oui, on passe à une prochaine chronique. C'est ça, puis c'est nous autres, là. C'est nous autres, cette chronique-là. Voici, tu manges mon cœur. Ah oui, tu manges mon cœur, parce que mon cœur, il n'arrête pas de manger. Tu manges, et ça coûte cher. Ça le dit dans la chanson. Hein? Oui. C'est un peu ça. Donc, c'est la chronique de coups de cœur d'Assemblage Requis. Bien sûr, Jean-Philippe et moi partageons ce qu'on a apprécié depuis la dernière semaine. Et d'habitude, je laisserais Jean-Philippe commencer. Oui, mais là, les choses étant faites comme elles sont, c'est Mathieu qui va commencer cette fois-ci. Ça fait bizarre en direct de commencer, j'ai pas l'habitude. Ben écoute, c'est correct. Ça va bien aller, Mathieu. Je vais m'essayer. Donc moi, je vous parle cette semaine de Tonks. Oui, T-O-N-X, qui est un service de livraison de café à domicile. Et là, vous allez me dire, mais t'es donc beau, fancy! Ben ouais, ben oui. Avec son écharpe. Oui, tout le temps la même écharpe. Comment tu les appelles, les gens qui portent un foulard et un béret qui lisent le devoir. Là. Les gens du plateau, voilà. Il y a un plateau à Trois-Rivières, apparemment. Oui. Bref, tonks.org est le site web. Et là, c'est ça, le service de livraison de café, ça peut avoir l'air fancy. Mais moi, je trouve ça fantastique parce que j'ai pas beaucoup de besoins dans la vie. J'ai pas beaucoup de choses que j'aime beaucoup. À part, mettons, peut-être la technologie. Fait que, certains gadgets que je vais me permettre de payer un petit peu plus cher parce que j'ai pas vraiment, je bois pas, je fume pas, je fais rien vraiment de très, très, cher et qui prend beaucoup de mon temps. Donc, les affaires que j'aime, je préfère payer bien et avoir un bon service, par exemple du bon café. Et Tonks, c'est ce qu'ils font. C'est du café fraîchement rôti et envoyé directement à ta porte aux deux semaines. Donc, je dirais les prix à la fin. Mais tu payes le forfait que tu veux, tu as le demi-sac, le sac complet, le double sac, et ils t'envoient à chaque deux semaines du café qui a été choisi dans une place au monde où le soleil est le plus approprié. Donc, ils vont vraiment magasiner partout dans le monde la place où le soleil va être le plus longtemps, ou peu importe, pour avoir le meilleur café. Eux, ils l'amènent à leur local, à leur place où ils font rôtir le café. Ils font rôtir, et après ça, ils le mettent dans un sac et te l'envoient. Et littéralement, dans les, je crois que c'est 48 heures aux États-Unis, ils vont t'envoyer le sac fraîchement torréfié de café. Fraîchement torréfié. Évidemment, au Canada, le service est disponible sans shipping. Donc, même au Canada, tu n'as pas de shipping. Oh. Par contre, tu l'as un petit peu plus tard. Peut-être une semaine et demie après la date. Et ce qui est intéressant, c'est que quand tu te connectes à ton compte, tu peux savoir quand il a été fait la dernière fois et quand est-ce que tu es supposé le recevoir. OK. Comme, mettons, en ce moment, ma prochaine date de facturation est le 8 octobre. D'accord, parfait. Et ça me dit que je vais avoir un shipment qui va être envoyé. J'ai même le tracking et tout ça, qui a été envoyé de Matalapa à La Libertao, El Salvador, le 22 septembre dernier. Donc ça, il a été fait à cette date-là et il a été envoyé. Et si je regarde mon tracking, je vais le recevoir dans les prochains jours parce qu'il est encore à Los Angeles. OK. C'est quand même le fun. Et mon prochain va être envoyé le dimanche 6 octobre. Donc vraiment, sur le site, tu peux savoir quand est-ce que tu vas le recevoir. Et c'est ça, moi, je suis sur le Standard, le plat Standard qui est envoyé aux deux semaines. C'est un sac de 12 onces qui coûte 19$. OK. Tu as le demi-sac à 12$. Donc là, tu fais un petit peu avoir parce que c'est pas la moitié du prix. Moi, je choisirais pas ça. Tu as l'essai gratuit. Donc au Canada, si tu veux l'essayer gratuitement, c'est un 2 onces. Un petit échantillon avant de t'inscrire. Et si tu veux vraiment upgrader, tu as le double qui coûte non pas deux fois 19$, ce qui ferait combien? 9, 9, 18, 38. À la place, ça coûte 34$. Donc, 34$. Ouais. Donc, moi, je trouve que c'est un très, très bon service. Et moi, je suis tombé sur l'offre de la fête des pères où ils envoyaient le ce qu'ils appellent AeroPress, qui est le truc à piston, c'est à la main. Oui. Là. Ben, l'infuseur à café manuel, là, où ouais, t'appuies, puis là, ça descend. C'est exactement ça. C'est pas un bottom, parce que ça va directement sur la tasse. Okay. C'est fait en plastique avec un petit peu de caoutchouc, ça va très, très bien. Je vous conseillerais, et c'est ce que les experts ont l'air de dire, et je suis vraiment pas un connaisseur de café. Je suis abonné à quelques blogs de café, mais je suis vraiment pas encore un expert. Mais ils conseillent l'AeroPress, parce que ça fait sortir la saveur plus du café. Et là, évidemment, ils vont le conseiller de le grinder d'une certaine façon. Pour, ouais, évidemment. Faut pas que tu le fasses trop grinder, c'est quand même moulu. Ouais, moulu. Moudre, voilà. Faut pas trop le faire moudre. Mais bref, moi, je vous conseillerais d'aller chercher une AeroPress. Ils vendent quelques produits sur leur site Tonks. Peut-être que ça coûte pas mal plus cher que sur Amazon, par contre, donc faites attention. Sinon, quel autre détail est-ce que je pourrais vous donner? C'est que les prix, je vous ai dit tantôt, incluent, comme je dis, le shipping. T'es facturé à chaque 4 semaines, donc pour 2 envois à la fois. Et ils t'envoient vraiment à chaque 2 semaines le café à ta porte. Moi, j'y pense même plus. Hein, c'est rendu une habitude depuis le milieu de l'été qu'on arrive une fois de temps en temps, puis une boîte dans la boîte aux lettres. On ouvre ça. Ça sent tout à nouveau parce que chaque café t'est envoyé avec une petite carte okay. qui te décrit la saveur et la provenance de chaque café. Parce que c'est ça, c'est jamais pareil dans le fond. C'est jamais le même grain qui est torréfié. Ben, c'est une bonne chose et une mauvaise chose parce que, bon, bien sûr, ça te fait découvrir un nouveau café et à chaque fois tu dis, waouh, il est donc bien bon. Mais aussi quand tu dis, waouh, il est donc bien bon, t'aimerais ça pouvoir commander deux fois le même. Ouais. Et tu peux pas, malheureusement. Mais j'imagine que tu peux après ça peut-être le retrouver. Oui, il doit c'est avoir ça. Des façons de. C'est justement le fait d'avoir la petite carte. Tu peux, j'imagine, les noter. Tu exact. Les notes, les gardes, tu dis « Ah oui, ça, c'est bon pour les fêtes. Hein. » Ils ont chacun un nom. Chacun des cafés a un nom. C'est sûr que si on le trouve, sûrement qu'il va falloir payer plus cher parce que Tonks, eux, vu qu'ils achètent en plus grande quantité et qu'ils te l'envoient pas de shipping, ouais. Sûrement que tu vas payer plus cher. Mais oui, ça doit se faire. Ça se retrouve. Mais moi, j'adore ça. Tonks.org, c'est assez simple comme service. C'est sur un coup de tête. Ils commanditaient une émission que j'écoute sur Internet qui s'appelle Tech News Today sur Twitter, qui est le chandail que je porte en ce moment. Oh! Donc, comme ça, je me suis dit, ça vaut la peine, je l'essaie et je tombe en amour. Et voilà, ouais. Tout simplement. Il y a des petits plaisirs de la vie comme ça qu'il faut se garnir. Hein? Bon, oui, c'est important. Ben, c'est important. Écoute, c'est le fun. Ça fait un peu un lien avec ma chronique de Mange mon cœur. Sauf que moi, j'ai un peu moins de détails puisque c'est très frais. Et puis, j'ai essayé de chercher sur Internet. Puis, j'ai pas reçu l'information encore, mais je vais quand même faire une petite... C'est un agace, si on veut. Oui, c'est un agace chronique, mange mon cœur. Tu vas nous en reparler dans une chronique éventuelle. Oui, exactement, dès que j'aurai l'information complète, puisque je trouve ça vraiment intéressant. En fait, j'ai assisté à un cours sur des vins en fin de semaine. Où ça? Écoute, ben, c'est à plusieurs places. C'est un service qui offre entre Québec et Montréal. Il y a des arrêts à Trois-Rivières, Gatineau, etc. Et puis, c'est un monsieur, dans le fond, qui est passionné des vins. Qui, à 18 ans, est parti vivre en France pendant 30 ans à peu près. Okay. Travailler, il fait pas mal tous les métiers qui sont reliés au métier de vigneron. Donc, il a cultivé, il a pressé, il a été sommelier et tout. Donc, quand même une très, très bonne connaissance. Et puis, il nous a parlé d'un service qui était offert au Québec que je ne connaissais pas du tout. Puisque, bon, même le café, tu vois, je me doutais pas que ça c'était possible. Mais tu sais, le fameux panier de fruits et légumes qui est livré à ta porte, eh bien, il y a des vignobles qui le font. Donc, écoute, c'est par rotation. Donc, c'est aux 6 semaines. C'est évidemment moins fréquent que le café. J'espère que tu bois pas autant de vin que de café. Hein. Non, mais tu sais, par exemple, le vin, tu peux le garder. Oui. Tu sais, tu vas pouvoir le mettre, mettons, puis l'attendre, mettons. Il va être meilleur avec le temps. Oui, c'est ça. Évidemment, dépendamment des vins, toujours. Sauf que c'est ça, c'est le domaine de le vignoble de l'Ange Gardien à Québec qui je suis... ça, c'est le seul que je suis sûr qu'il fait. Puisqu'il nous en a parlé spécifiquement. Donc, il t'envoie, tu as le choix entre 6 ou 12 bouteilles. C'est une sélection, dans le fond, qu'ils font de leur vin. Et puis, tu reçois ça aux 6 semaines, tout simplement à ta porte. Tu reçois 12 bouteilles de vin. Tu sais pas qu'est-ce que ça va être. Évidemment, c'est des producteurs locaux, fait que t'as pas, c'est pas à l'échelle mondiale, donc c'est sûr que t'auras pas... à un moment donné, ça va être redondant, tu vas recevoir les mêmes bouteilles. Mais ça peut être intéressant de juste avoir du Québécois chez soi, du bon vin du Québec. Donc, c'est le fun. C'est vraiment très, très le fun. Puis, ça coûte pas mal moins cher qu'à la SAQ. OK. Ça doit coûter cher quand même parce que c'est une caisse de bouteilles de vin. Oui, bien écoute, c'est ça. Je regardais un peu les prix rapidement sur Domaine de l'Ange Gardien. Écoute, t'as des bouteilles qui vont à peu près, et puis on en a goûté quelques-unes. Les bouteilles vont entre 16, et évidemment, là, ça va en montant, là, ça c'est bien certain. Là. Mais mettons, pour 16$, même j'ai mal regardé parce que j'en voyais une à 13. Oh. Et puis, je pense que je l'ai goûté, celle-là. Un vin blanc. Et puis, c'est un vin potentiellement qu'à la SAQ, tu pourrais payer genre 26, 27. Parce que c'est un très bon vin. Sauf que comme tu l'achètes directement du vignoble, ben, tu économises beaucoup d'argent. Wow! Colin, hey, on a l'air fancy un matin avec nos... Wow! Un café, un verre de vin... c'est ça, c'est fou. Ah! Wow! Ah, tu me donnes envie d'aller entendre du Elephantine. OK. Pourquoi pas? Avec une clope, un café. Oh. Ça fait longtemps qu'on l'a pas entendu. J'ai presque hésité entre un café et un bat le matin. Ah. Je me suis dit, ah, il s'en va-tu là-dessus? Une clope, un café, Elephantine dans Tu manges mon cœur. Une clope à café de Elephantine. Oui, au retour, le temps d'une culture avec Alexandra Carignan. Assemblage qui pour toi aujourd'hui. CFOU 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Vous êtes toujours à Assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées. Les Jean-Philippe Charbonneau. Il est Mathieu Plante. Et il nous reste encore une petite demi-heure à cette émission d'aujourd'hui. Oui. Juste assez de temps pour parler de culture, parce que moi, je me sens incompétent. Inculturé. Oui, si on veut. Inculturé. C'est beau, ça. Oui, c'est beau, ouais. Ouais. Fait que moi, je pense qu'on devrait demander des conseils à Mme Alexandra Carignan, que voici avec Le temps d'une culture. Bonjour Alexandra. Bonjour. Ça va? Ça va bien. Oui, t'as l'air à ça. Oui, ça va. Tu te remets de ta soirée d'hier au match d'impro? Je me remets surtout de ma grippe. Ah, pas vrai? Mais aussi de ma soirée d'hier qui a fini plus tard que je ne l'espérais. Triste. Donc, on parle de culture avec toi, comme toujours? Eh oui, on parle de culture. Trois choses. Premièrement, on va faire un retour sur la huître. Je vais vous donner le résultat des Emmys, qui était ce dimanche. Et je vais vous parler d'un film qui n'est pas, qui ne faut pas manquer au tapis rouge. Cool. Cette semaine, vous aurez vu que c'est aucun de mes articles. À part la huître que je vais, qui va sortir mardi. Eh bien, c'est parce que je me suis dit, cette semaine, pourquoi ne pas vous éduquer sur quelque chose un peu en dehors de Trois-Rivières, un peu international. C'est ma chronique internationale aujourd'hui. Worldwide. Worldwide. Alors, premièrement, la huître, qui a joué son premier vrai match? Encore une fois, c'est pas un vrai match. C'est un demi-vrai match. Ouais. Puisque mais qui comptait? C'est ça, qui comptait. C'est pour ça qu'on considère ça comme un match important. En fait, les quatre équipes se sont présentées hier devant le public de la huître. Donc, les rouges ont joué contre les bleus durant la première heure et les oranges ont joué contre les verts durant la deuxième. Et c'était toute une soirée. Toi, Jean-Philippe, tu as été là. Moi-même. Hey, je te l'aime aussi. Mathieu aussi, je t'oublie. Hey. Mais je te love beaucoup pareil. Hey, merci, moi aussi. Mais oui, c'est ça. Donc, vous avez apprécié. Ah, j'adorais ça. C'était le fun d'avoir deux matchs en un. Maudit que j'ai trouvé que ça passait trop vite. C'est parce vrai. Que tu sais, t'es habitué de revenir. Ouais. Après l'entraque, si on veut, d'habitude, il y a un autre boost. Mais là, c'était complètement différent puisque c'était deux autres équipes. Fait que je m'attendais à en avoir encore plus à la fin. Puis on a chacun nos joueurs préférés. Aussi, qui n'était pas nécessairement dans la deuxième partie ou vice-versa. Ouais. Oui, exact. Ah oui, c'était un match assez expéditif. Oui, ça finit très tight. Oui. Oui. D'ailleurs, les rouges et les bleus ont été en prolongation après un match de seulement d'une heure. Oui. Les bleus ont finalement sacré une claque aux rouges. Hein? Oui, Elodie, qui a dit à son capitaine de l'année dernière, c'est pas vrai que tu vas me battre. Dans ta face. Oui. Et en fait, les verts et les oranges qui se sont battus en deuxième période, ce sont les oranges qui ont gagné. Non pas par une grande claque, hein, il y avait quelques points de différence, en fait, un ou cinq que ça. Oui. Alors, ça s'est fait, ça montre en fait un bel équilibre dans les équipes. Ça, c'est intéressant de voir ça dans un match showcase parce que sur papier, tu sais, quand tu dis je recrute telle personne dans mon équipe, sur papier, ça peut être bien intéressant, mais c'est de voir la chimie sur la glace. Et la huître a montré que ses capitaines ont très bien fait ça, qu'ils ont monté des équipes équilibrées. Et quand même, c'était un grand défi parce qu'il n'y a pas beaucoup de vieux. Non, c'est vraiment une saison de renouveau cette année. Oui, en fait, il y a seulement un capitaine qui a déjà été capitaine à la huître dans les quatre. On parle évidemment de... Jean-René Cocotte-Boutin. Jean-René, bien sûr! Et évidemment, il y a Vanessa qui, ça fait en fait sa quatrième année qui est là, mais c'est la première fois qu'elle est capitaine. Qu'elle lead une équipe. Oui. Et on a deux capitaines recrues de l'année dernière, Elodie, qui a été joueuse de l'année, et Antoine, qui a été recrue de l'année. Donc, c'est quand même pas rien, mais ce sont quand même deux recrues de l'année dernière qui ont des équipes cette année. Alors, et le seul... vétéran tel quel, un grand vétéran, c'est Maxime Tanguy. Oui, qui était capitaine avant et qui ne l'est plus. Exactement, qui a fait comme Louis-Étienne et Pascal l'ont fait durant les dernières années. Là. Ils ont tout le temps joué une dernière année qui n'était pas au capitanat. Ah, OK, l'inspiration, il a pris là. Louis-Étienne qui était commentateur du match hier, d'ailleurs. Exactement, qui était là. Pascal Cholette-Janson dans la salle. Mm-hmm. On voyait, tu sais, en fait, la lutte, on n'est pas capable de s'en détacher. On peut enlever la personne de la lutte, mais pas la lutte de la personne. Pas la lutte de la personne, exactement. Alors, on a vu, en fait, une ligue qui était en santé hier avec des joueurs qui, oui, sont nouveaux. Oui, pour la plupart, n'ont jamais fait d'improvisation. Certains étaient, en fait, du public de la huître qui a décidé de faire le camp, qui ont été recrutés. Mais c'était tout un match. On n'a rien envié là, aux années précédentes. On va avoir une saison assez forte. Merci. D'ailleurs, je vous invite à venir voir la huître la semaine prochaine. Pardon, je me suis étouffée. Alors, je ne pourrais pas vous dire qui est contre qui, puisqu'on a un horaire mystère. Okay. Je ne sais pas encore. Alors, l'horaire n'est pas lancé officiellement là, pour savoir quelle équipe affronte qui. Mais c'est les lundis à 19h30. Mais c'est certainement les lundis à 19h30 à la Chasse-Galerie. Et ça, vous ne voulez pas manquer ça. Vraiment pas. Et voilà. Et parlant d'improvisation, ce samedi, c'est le camp de recrutement de la LIM. Donc, il faut absolument vous inscrire, contrairement à la huître, quoi, vous aviez seulement à vous pointer. Donc, il faut que... le moyen le plus simple, c'est de se rendre sur le Facebook de la LIM. Il va avoir toutes les informations. Il faut envoyer un courriel, s'inscrire. Ça coûte 5$. Mais ça vaut la peine. Mm-hmm. C'est à la salle Louis-Philippe Poisson. Moi, j'ai, on a ouï dire ici, dans ces murs, qu'il allait avoir des grands de ce monde qui revenaient à la lune. Des gros noms. En tout cas. Des gros noms. Des gros noms, c'est ce qu'on a entendu dire. Mais, tu sais, là, des gros noms, des fois, là. Ça, c'est relatif, hein? C'est relatif. Tu sais, il y en a, on avait un gros nom qui revenait, puis finalement, il n'est pas revenu. Non, bon. Ah, OK. Mais en fait, il s'est fait prendre dans une ligue de Montréal. Une ligue professionnelle de... Une ligue professionnelle au Québec, c'est la LNI. C'est vrai. Sinon, faut tout le temps que tu payes pour faire de l'improvisation, sauf à la LNI. Là où est-ce qu'il te paye. Mais c'est tout. Ah, OK. Non, je savais pas ça. Oui. Intéressant. Quand tu es joueur d'improvisation, là, t'es pas bénévole, parce que être bénévole, ça veut dire que tu payes pas. C'est ça. Ça veut dire que c'est kiff-kiff. Tu fais pas payer, personne paye. Il n'y a pas d'argent qui échange demain. En dessous du bénévole, tu payes pour faire l'impôt. Alors, oui. Mais oui, certains, on m'a ouï dire des Marc-André Fortin. On m'a ouï dire potentiellement des Simon Potvin. OK. On a une couple de noms qui reviennent. Après, c'est ça, c'est l'élimination. On sait qui voulait revenir, mais reviendra pas. Mais bon. on laisse ça dans les airs. Mais non, mais c'est Belle Rose qui reviendra pas. Ah, OK. Donc Alex Dessy va revenir. On ne sait pas encore. On ne sait pas encore, en fait. On ne sait pas. On essaie de te soutirer des informations que tu n'as pas vraiment fait. Je sais pas, c'est ça. Parce que je n'organise pas le camp. Je le fais. C'est correct. C'est fou, était là. Mais il va certainement avoir beaucoup de retours garçons. Les filles, c'est ça. Pas tant. Non. D'accord. On a deux retours. Hélène Martin et moi. Ben, c'est quand même des bons noms, ben là oui, aussi. C'est des très bons noms. Ben oui. Ben, il y a quatre équipes. Normalement, il faut une fille par équipe. Okay. Ah, c'est alors, la règle? Ben non, mais c'est que, tu sais, pour faire des rôles de filles, ben c'est pas évident quand t'en as pas. Il y avait beaucoup de rôles de dames hier joués par des gars à la Luître. Ça, dans l'impro, cabotine. Mais, ça fait en fait, Antoine. Oui. Oui. C'était le mot. Antoine fait beaucoup de filles. De filles. Et il s'est fait reprocher. Non, en tout cas, Laurence Gélina, qui était arbitre hier, a reproché des blagues de pipi et de pète. Oui, Laurence, c'est ça. Laurence, c'est une lady. Ouais. Oui. Elle est très stricte. Oui. Mais on l'aime pareil. Oui. Elle a une belle toune d'André. Carmina Burana, ça m'a fait très rire. Oui. Alors voilà, donc le camp de la Lime ce samedi, si vous voulez le faire, c'est 5$, ça vaut la peine. Sinon, en fait, le samedi soir, la Lime fait un spectacle showcase à l'extérieur de la Maison de la Culture, donc dans le parc Champlain. Ça vaut la peine d'y aller, ça c'est gratuit, Caroline Debine. Alors voilà pour la petite chronique impro. Maintenant, je vais revenir sur les Emmys qui étaient en fait en ondes ce dimanche soir. Les Emmys, c'est quoi? En fait, c'est les Oscars pour la télévision. Ouais. Alors on remercie, on félicite. En fait, c'est pas nécessairement le public, là, c'est l'Académie qui va aller donner justement des prix sans grand. En fait, pas. Non, non, non. On va pas dire ça, là, mais. Je m'en allais dire sans grand étonnement, mais il y avait beaucoup de téléséries qui étaient en liste pour la télésérie dramatique de l'année. Là, on parle de House of Cards avec Kevin Spacey. On a The Newsroom avec Jeff Daniel. Et finalement, c'est Breaking Bad qui a gagné. Dernière saison en plus, donc il faut les récompenser avant la fin aussi. Oui, effectivement. Mais c'est pas qu'ils n'en ont pas déjà gagné. Non, ça, il y en a déjà eu. Ouais. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est l'actrice principale de Breaking Bad, que j'ai complètement oublié le nom. Donc, la femme de Walter White a gagné le prix de l'actrice de soutien dans une télésérie dramatique. Et c'est la première fois qu'elle le gagne. Alors, après... 6 saisons, c'est ça. Ouais. 6 divisé en 2, comme on dit, mais en fait, c'est ça. Alors, elle a gagné quand même l'actrice de soutien. L'acteur, en fait, d'une comédie dramatique a été à Jeff Daniels. Comédie dramatique, émission dramatique, a été à Jeff Daniels pour Newsroom. Faut vraiment que j'écoute ça. À ce qui paraît, c'est complètement mongol. C'est la série de Aaron Sorkin, c'est ça, celui qui a fait à la Maison Blanche, hein, qui fait oui. ça. Et en fait, cette émission-là a été populaire pour un extrait qui a été mis sur YouTube de Jeff Daniels, qui est sur la scène et qui se fait interviewer à savoir pourquoi est-ce que les États-Unis est le meilleur pays au monde. Et lui de répondre, mais les États-Unis ne sont pas du tout le meilleur pays au monde. Et là, de tout expliquer pourquoi les États-Unis sont corrompus, sont vraiment le pire pays au monde. Et ça, c'est un extrait à peu près 2 minutes qui a été mis sur YouTube. Si vous ne l'avez pas vu, j'ai des frissons en ce moment. C'est très efficace comme extrait. Cool. Et en fait, moi, c'est ça qui m'a fait connaître Newsroom. Alors, il a gagné l'acteur d'une télésérie dramatique, je pourrais dire encore comédie dramatique. L'actrice a été faite... l'actrice est Claire Danes avec Homeland qui a gagné, en fait. Et la comédie de l'année, Et là, il y avait quand même beaucoup de comédies qui s'affrontaient. Donc, on parle de Veep, qui a été grandement acclamé par la critique. On parle de Big Bang Theory. Et finalement, en fait, c'est Modern Family qui l'a eu encore une fois. Encore? Ça, je ne l'ai pas vu. Et je me dis que Colin, je devrais écouter ça. Parce que ça gagne à chaque fois. Ça joue en français à Télé-Québec, pour ceux qui se demandent. Ouais, je n'écouterai pas ça en français à Télé-Québec. Une information comme ça. Mais quand même, ça m'a donné Veep aussi qui a gagné. En fait, c'est l'actrice de Seinfeld. Julia Louis-Dreyfus. Ouais. C'est la série qui parle de la vice-présidente des États-Unis. Oui, exactement. Et ça l'a gagné. En fait, elle a gagné meilleure actrice d'une comédie. Moi aussi, ça m'a. Oui, hein, ça t'a. Ça m'a Ben Laden. Et oui, et je suis vraiment pas bonne dans les noms, mais son acteur de soutien, là, celui qui joue dans Arrested Development, là. C'est un peu. je me rappelle pas, il joue. Le frère Blue, Oui. Je ne me rappelle pas de son nom non plus. Maxime, t'as pas même la drôle de face. Oui, c'est ça. Mais bref, lui a gagné acteur de soutien aussi dans une comédie dramatique. Donc, Veep, un 2 sur 2. Hein? Alors, ça vaudrait la peine d'écouter ça. Les Emmys étaient, en fait, hostés par... Animé. Par Neil Patrick Harris, évidemment. Oui. De How I Met Your Mother. De How I Met Your Mother, oui. Qui n'était pas en liste cette année dans rien. Étrange quand même. C'est la dernière saison, là aussi. Même. Oui. Ben, peut-être que justement, là. L'année prochaine. C'est ça, l'année prochaine. Mais en même temps, tu sais, c'est pas qu'ils en ont pas gagné. Est-ce que t'as le nom de l'acteur? Tony Hale. Je vais pas t'interrompre en disant. Alors, c'est correct. Donc, Tony Hale qui a gagné acteur de soutien pour jouer dans Veep. Veep, ça vaut la peine d'écouter ça, apparemment. Donc, c'est Neil Patrick Harris qui hostait. Je vais t'aider encore, animé. L'émission. Pardon, j'ai un petit rhume. C'était. Le début était un peu garoché, hein, parce qu'ils ont démarré en retard. Ah, OK. Est-ce qu'il y avait un petit numéro d'entrée, une petite comédie musicale, comme Non, il y a eu un petit gag. En fait, je pense que le but de faire un numéro d'entrée, c'était kitsch. Alors, il a fait un numéro de milieu. Non, la mi-temps. Oui, donc, wow. À 1h30 des Emmys, il a fait un numéro musical. C'était quand même drôle. On était habitué de le voir animer les Tony Awards, c'est ça? Oui, oui, avec l'immense entrée que c'était en fait... Très Broadway. Ben en fait, oui, parce que les Tony sont pour Broadway justement. Mais c'est très... Un des meilleurs moments, selon moi. Parce que c'est sûr qu'il y avait les... Il y avait les mémoriams là, qui étaient très prenants. C'est long, ça, par contre, hein? Ben, ça dépend, tu sais. C'est comme 2 minutes. Puis en fait, c'était par personne. Il y avait certaines personnes sélectionnées pour faire des mémoriams. Il y a l'acteur qui faisait de soprano. Oui, hein. Je suis pas bonne des noms, ça paraît, hein. Alors, lui, en fait, est décédé cette année d'une crise du cœur. Donc, la femme. Ben, en fait, l'actrice qui jouait sa femme dans The Sopranos a fait un petit mémoriam de 2 minutes. Il y a eu Jane Lynch qui, évidemment. Est-ce que tu as le nom? James Gandolfini. James Gandolfini. Oui, voilà. Donc, ça a été quand même très prenant. Il y a aussi Jane Lynch qui a fait un mémoriam à Corey. Bunty. Ça, je savais. Tu comme moi, ça, t'es dessus, mais je savais. Qui, ça aussi, en fait, est décédé tout récemment, en fait, au mois de l'été. J'étais à Def Leppard, au mois de juillet. Oui. Alors, je m'en rappelle. Je m'en rappelle quand j'ai su la nouvelle. Je sais où j'étais. Quand... Je sais, ben oui, j'étais dans la chambre d'hôtel à Québec. Moi, non, pour de vrai, ça a été un moment marquant de ma vie. Moi, je suis triste. Je le dis, je me fais un event glee avec ma meilleure amie. Ouais. Alors, c'est ça. Donc, des mémoriams assez cute. Et un moment fort, par exemple, ça a été la chorégraphie des... en fait, pour la première fois, on présente des awards pour les chorégraphes. Et Neil Patrick Harris, je dis tout le temps les mots en anglais. Neil Patrick Harris a été voir les chorégraphes et a dit, justement, vu que c'est la première fois, je voudrais faire quelque chose d'un peu plus gros. Vous allez chorégraphier les téléséries qui sont en lice pour téléséries de la l'année. Ah, excellent. Maudit, c'est bon. Ça, c'était... Sérieusement, si vous pouvez aller voir le clip YouTube de ça, là, chorégraphie Amy, c'était vraiment bon. Donc, on a chorégraphié Big Bang Theory, Breaking Bad, American Horror... Psycho? American Horror Story. Oui, The Asylum. On a chorégraphié Mad Men. C'était vraiment bon. Un beau moment qui était très original et j'ai beaucoup apprécié. Alors, si vous pouvez... Donc, vous avez 2 choses à voir aujourd'hui. Okay. The Newsroom avec Jeff Daniels, l'extrait où est-ce qu'il dit que les Américains sont vraiment de la merde. Et la chorégraphie aux Emmys. C'est à aller voir sur YouTube. Ça va vous prendre 10 minutes et vous allez être comblés. Et finalement, un dernier truc, si vous êtes à Trois-Rivières et que vous aimez les bons films, vous allez aller au Tapis Rouge voir The World's End. Qu'est-ce que c'est The World's End? C'est le nouveau film de Simon Pegg, donc celui qui a fait Shaun of the Dead, qui a fait Hot Fuzz. Hot Fuzz, bien oui. Des films qui sont décadents, un humour assez décapant aussi. Très britannique. Très britannique. Et on a l'honneur, en fait, on a la chance de te le faire présenter à Trois-Rivières en version originale anglaise, sous-titrée français. Wow! Au Tapis Rouge. Et sérieusement, là, c'est ça que j'attends du Tapis Rouge, c'est d'aller me chercher des films qui, ont peut-être pas fait Cannes, là, mais qu'on présente pas à Trois-Rivières et qui sont quand même très, très bons. Alors, The World's End est présenté depuis le 20 septembre, donc devrait être là pour à peu près un mois. Écoutez, puis le Tapis Rouge, en fait, si vous n'y avez pas été, c'est sublime, c'est super beau. Des très belles salles. En fait, on va se le dire, ici à Trois-Rivières, là, on n'a pas de belles salles de cinéma, non. Là. Les sièges sont pas confortables, il y a des trous d'étoiles. Allez au Tapis Rouge. C'est très confortable, c'est superbe. Et c'est ça, justement, là. Vous vous dites, ah, moi, c'est tous des films de... Le répertoire que je connais pas. Pas ça, c'est, plate, okay, pas ça, là, c'est Simon Pegg. Ça, c'est un film grand public, on s'entend, mais oui. Pas blockbuster. C'est ça, exactement. Oh, maudit que c'est bien dit, Mathieu. C'est ça, grand public, mais pas blockbuster. Et c'est justement ça que je m'attends du Tapis Rouge et ils me le rendent bien en présentant The World's End. Alors, si vous voulez aller le voir, ça vient d'entrer à l'affiche. Moi, j'y vais ce soir à 19h05. Tu vas être là à 19h05 si vous voulez rencontrer Alexandre Carignan. Mais, tu sais, tout ça pour vous dire de regarder la programmation du Tapis Rouge parce que c'est pas juste des films en allemand, sous-titré italien, là. Donc, vous avez des films qui peuvent être aussi grand public. C'est là où ils ont présenté L'écume des jours. Donc, briser un peu la barrière des films du prétentieux. Et oui, c'est ça. Exactement. Alors, allez-y, vérifiez la programmation, ça vaut la peine. Alors, The World's End, qui va être sûrement présenté jusqu'à la mi-octobre, saisissez votre chance, allez-y. Superbe! Et voilà, c'est tout. Merci Alexandre Carignan, on te lit dans Zone Campus aux deux semaines. Oui, exactement. Et on te retrouve ici toutes les semaines, c'est les mardis à 9h. Oui. Cool. Concernant les arts et la culture, la table est mise. Émise. Hey, une chance que j'ai pas fait ma blague en disant genre les salles sont tellement belles qu'ils s'appellent des propres à la place. Ah, des... Genre sinon. Ouais, ça c'est un peu plus gênant. Ça aurait fait comme deux mauvaises blagues de suite. Ouais. Ça était trop. Mm-mm. C'est ça. Moyen. Toujours à Assemblage Rocky, il nous reste 5 minutes environ. Moi je dis qu'on a le temps pour une dernière petite chanson avant de se quitter. Pourquoi pas, on aime ça, se garnir de bonne musique ici. Pas trop souvent, pas deux de suite maintenant. Non. Mais on va l'entendre Le Couleur. Il est extrait femme du palmarès francophone. Oui. Puis j'ai fait, tu sais comment j'ai choisi? Comment non? Exactement comme quand tu me dis de choisir un numéro entre 1 et 12. Au hasard. Il y a juste une pièce sur le CD par contre. Oui, je sais. Je suis tombé là-dessus, c'est pas de ma faute. Mais non. Pas très original. Ouais. Tu es parti là-bas. sentiments. Je n'y pouvais rien, mes yeux et l'océan. Une dernière fois, sous un ciel scintillant. Je suis partie là-bas. Je suis partie là-bas. Je suis partie là-bas. Le couleur et femme à assemblage requis, c'est là-dessus que termine notre émission d'aujourd'hui. Oui. On a eu du fun, on a eu beaucoup de, une de chroniques, c'est-à-dire une, mais beaucoup de chroniques de nous autres. Oui. Ça a bien été. Donc, on remercie Alexandra Carignan pour sa participation à l'émission d'aujourd'hui. On remercie ceux qui sont pas venus aussi. Salut! Salut! On retrouvera Marie-Laurence Audet dans deux semaines pour sa première chronique Loisir. On a aussi Adjie Durocher qui va être de retour la semaine prochaine. Elle. Oui, voilà. Donc, merci à toi, Jean-Philippe Charbonneau. Merci à toi, Mathieu Plante. Ça me fait plaisir. Restez à l'écoute pour le Dîner de Cons qui commence à 11h, évidemment, avec Danny Janvier et ses nouvelles insolites. C'est toujours intéressant d'entendre parler de choses légères comme ça, on aime ça. C'est le fun. Ensuite, en après-midi, on aura Rock Classique avec Alain Lefebvre, version écourtée. Suivi des Palmarès si fous avec moi, Stéphanie Paradis, c'est l'édition Top 10. Après ça, La Vie en mots avec Karina et Mylène. Mylène Martin, bien sûr. Réanimation en soirée avec du métal et de l'horreur. Allez voir sif.ca pour la programmation complète. Assemblagerequis.com pour les notes de l'émission et les balado-diffusions. C'est tout. Demain, à l'émission, qu'est-ce qu'on a? Et... Ah oui, je sais ce qu'on a. Non, je sais plus. Je sais plus. Plein de choses. Stéphanie Paradis. Oui. Ingrid Arneberg. Sébastien Dulutte. Sébastien Dulutte, oui. À toi, à deux. On est à deux, on est pas pire. Pas pire. Ouais. Oh, on va continuer de même, deux heures par jour à 7h30 en direct. Ouais. Demain. Il devrait avoir Mathieu Plante aussi demain. Bon.